An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Direction le Grand Nord, l'Arctique. Qui peuple ces espaces glacés? Depuis quand? En 1830, le docteur Joseph Morel de Rambampré fait paraître l'art de prolonger la vie de l'homme et de la femme. Ah bah tiens, quelle bonne idée. Pour l'Amérique septentrionale, il donne le cas du Labrador, ou pays des Esquimaux, dit-il, une contrée aride et inculte, des moins favorables à la longévité, dont les habitants ont d'ailleurs l'habitude de mettre à mort quiconque ne peut subvenir à ses besoins. Aïe, qui sont les Inuits? D'où viennent-ils? Quelle est leur histoire? Leur environnement est exigeant, bien sûr, voire impardonnable, mais l'Arctique est occupé depuis des millénaires. Alors, loin des clichés, Inuit à personne d'étudier la préhistoire des Inuits. Claire Alix, bonjour. Alors, Claire Alix, m'entendez-vous? Oui, je vous entends. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, à nos auditrices, où vous vous trouvez? Je suis à Fairbanks, en Alaska. Voilà, parce que vous êtes maîtresse de conférences en anthropologie, ethnologie, préhistoire de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, mais vous êtes chercheuse associée à l'Université de l'Alaska, à Fairbanks, aux États-Unis. Donc c'est de l'autre bout du monde que vous nous parlez, et nous nous interrogeons sur la préhistoire des peuples qui occupent l'Arctique. Justement, dans cette question, l'Alaska vient aussitôt, ça tombe bien, vous y êtes, dans nos émissions, que vous pouvez réécouter en ligne sur le site France Culture et sur l'appli Radio France, nous étions interrogés sur le peuplement de l'Amérique. Et il y a cette idée que les peuples sont passés, les populations, de l'Asie en Amérique par le détroit de Bering. Ils sont arrivés en Alaska. Où en sommes-nous aujourd'hui des premiers occupants de ces territoires glacés? Alors, les premiers occupants d'Alaska, les sites les plus anciens qu'on va retrouver plutôt dans l'intérieur de l'Alaska, ils sont datés à 14 000 ans. Il y a donc 14 000 ans. Donc c'est des sites qui sont assez anciens et qui sont complètement liés au premier peuplement de l'Amérique, avec des liens très forts avec l'Asie et le Grand Nord sibérien, en fait. Avec... Donc, où on a des occupations à 30 000 aussi, dans le Grand Nord sibérien. Des occupations à 30 000 dans le Nord sibérien, vous nous dites à 14 000 en Alaska. Non, nous sommes dans des temps très lointains, avec des liens directs dans les études qui sont faites entre ces populations. Nous voyons bien un héritage évident, un lien qui se tire. Peut-on parler d'une culture particulière qui se met en place en Alaska dans ces temps lointains? Alors, les vestiges qu'on retrouve, ils sont principalement des vestiges lithiques. Donc, sur la base de ces vestiges, on va diviser en fait les périodes en ce qu'on va appeler le paléo-arctique. Donc, ça, c'est des groupes qui sont assez mobiles sur le territoire, mais et qui généralement sont associés, ou en tout cas sont pressentis comme les ancêtres en fait des Athabascans, qui vont plutôt vivre à l'intérieur de l'Alaska, dans les terres intérieures de l'Alaska. Après, quand on va parler de la préhistoire de l'archéologie des Inuits et de l'origine en fait des Inuits, là on va plutôt s'orienter sur le littoral, qui se stabilise en fait aux alentours du milieu de l'Holocène, donc vers 5 et 4 000 ans. En fait, on a une stabilisation du niveau marin suite au réchauffement qui fait suite donc à la dernière glaciation, qui a permis justement à ces premiers Américains, ces premiers peuplements à 14 000 ans de passer le détroit de Bering, qui est donc à ce moment-là un isthme. Donc après, on a un réchauffement progressif et donc une remontée des eaux qui fait que, donc, en fait, les premiers sites qu'on va avoir sur le littoral sont datés à peu près à 4500, enfin, il y a 4500 ans. Il y a 4500 ans, oui, sur le littoral, avec, et vous nous l'avez dit, Claire Alix, eh bien, ces vestiges, ces traces, vous avez parlé d'éléments lithiques, hein, d'artefacts en pierre. Il n'y a que de la pierre, nous imaginons aussi tout un travail lié à l'os, à l'animal. Qu'avons-nous, en fait, comme élément pour essayer de saisir comment vivaient ces premiers habitants ? Alors, on a évidemment aussi des restes osseux. Dans ces sites anciens, à l'intérieur de l'Alaska, en fait, les sols étant assez acides, on a finalement peu de sites. On en a un, mais les sites avec une bonne préservation du matériel osseux sont assez rares, en fait, dans ces périodes anciennes. Après, le long de la côte et il y a certains sites anciens de la préhistoire des Inuits, je dirais. Donc vers 4500, ou en tout cas entre 4500 et 3500 ans, où on va avoir aussi un matériel osseux assez bien préservé, et donc évidemment qui montre un travail des matières osseuses. Après, quand on se rapproche de ce qu'on va appeler, alors ces périodes anciennes de la préhistoire des Inuits, on va l'appeler le paléo-inuit, hein, avec la tradition microlithique de l'Arctique. Parce que, d'une manière générale, l'outillage, en tout cas l'outillage lithique qui est produit à cette période est vraiment de toute petite taille, ce qui fait aussi dire qu'on pense que c'était des populations assez mobiles, hein, qui se déplaçaient beaucoup. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, et donc, mais on retrouve aussi donc un travail de matières osseuses, avec les premiers harpons, hein, qui vont dater à peu près de cette période-là aussi. Des périodes qui nous plongent dans le temps de la préhistoire des Inuits, mais pas seulement en fait, la préhistoire de ceux qui occupent ces espaces glacés, ceux de l'Arctique, pour un voyage qui nous conduit sur la banquise. Il n'y a que 10 000 Esquimaux dans le pays. Le Canada, conscient de ses responsabilités envers tous ses habitants, aide les Esquimaux à préserver leur culture bien caractéristique. Les Esquimaux construisent des huttes avec des blocs de neige comprimés. C'est dans ces igloos qu'ils reçoivent le gouverneur général Massé avec leur traditionnelle hospitalité, lui offrant les aliments et les danses de leur peuple. Les sculpteurs Esquimaux sont connus pour leurs œuvres expressives. Avec son œil de chasseur, l'artiste saisit les lignes et les mouvements des êtres et des bêtes qui lui sont familiers. Dans ces communautés arctiques, le gouverneur général Massé trouve un peuple dont l'habileté à la chasse et à la pêche est légendaire. Pendant des siècles, les Esquimaux ont parcouru ces régions, chassant le phoque, l'ours, la baleine et le caribou. On pense généralement que le peuple Esquimaux est originaire d'Asie. Nul ne sait exactement pourquoi il est venu s'établir dans les régions inhospitalières de l'Arctique. En 1956, à la télévision française, Voyage Arctique, avec toujours cette question, mais d'où viennent-ils ? Eh bien, on prend généralement, nous dit ce reportage, qu'ils viennent d'Asie. C'est un peu ce que nous a dit Claire Alix, hein, en direct de l'Alaska, ce bout du monde qui fait rêver. Mais vous aussi, Claire Oumar, bonjour. Bonjour. Vous vous trouvez dans des lieux qui font rêver. Vous pouvez nous préciser où vous êtes ? Là, je suis dans le studio de France Bleu Besançon. Eh ben voilà, et c'est très bien. Merci France Bleu de Besançon de vous accueillir. Quand nous entendons en fait cette réflexion de 1956 sur l'idée que les gens qui peuplent ces territoires du Nord viennent d'Asie, eh bien oui, sans doute, mais la question se pose aussi, est-il possible d'imaginer des migrations qui sont venues de l'Europe et puis qui arrivent comme ça tout doucement ? Alors, des migrations qui viennent de l'Europe et qui viennent peupler, entre guillemets, l'Arctique, a priori non, parce que on peut considérer que les Européens ou les Euro-Américains qui vont venir à la rencontre des peuples Inuits ou de leurs ancêtres venaient plus pour à des fins précises, que ce soit des expéditions de l'ordre scientifique ou à des fins commerciales pour notamment récupérer les produits de la chasse aux cétacés ou plus tard aussi ou en parallèle avec le morse. Mais on peut pas vraiment parler de migration européenne qui viennent peupler l'Arctique, à l'exception des Norrois qui vont établir deux établissements dans le sud du Groenland autour du Xe siècle et qui vont rester jusqu'à la fin du XIVe, début du XVe siècle, avant de partir parce que les conditions climatiques et météorologiques sont trop compliquées pour leur établissement avec des modes de vie quand même relativement européens. Et du coup, ils vont choisir de quitter le Groenland autour de 1400-1450. Claire Oumar, vous êtes post-doctorante au CNRS, archéologue spécialiste du paléolithique supérieur européen et de l'Arctique américain. Justement, dans cette réflexion-là, il y a des mots que nous utilisons depuis le début du cours de l'histoire. Nous parlons aujourd'hui des Inuits, mais il y a un mot qui vient à l'esprit, Eskimo. Est-ce que la différence est probante? Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir? Votre thèse s'intitule « Caractérisation chronoculturelle » évolution du paléo-esquimo dans le golfe de Fox au oui. Canada. C'est quoi la différence? Alors, ce terme de paléo-esquimo, c'est l'ancien terme que Claire a repris, Claire Alix a repris sous forme de paléo-inuit, parce que, notamment pour l'Arctique de l'Est, que ce soit le Canada ou le Groenland, ce terme d'esquimo commence à devenir très péjoratif. Et donc, à partir du moment où on a réussi génétiquement à faire la connexion entre les populations anciennes et récentes, on s'est permis d'utiliser le terme inuit. En revanche, en Alaska, et notamment dans le sud-ouest de l'Alaska, parmi les villages Yupik, eux, ça les dérange pas tant que ça d'utiliser le terme esquimau. Mais pour simplifier les choses, notamment d'un point de vue académique, on préfère tous maintenant, à partir de 2018, à parler d'Inuit plutôt que d'esquimau. Et puis, une histoire même de l'étude de ces peuple. D'ailleurs, on parle d'esquimologie parfois, on voit ça, c'est toujours étonnant. Écoutez, je vous propose un duo magique, Paul-Émile Victor, qui parle de Knut Rasmussen. Quand j'étais tout gosse, j'avais deux héros, vous savez, les héros de notre jeunesse. L'un était Charcot, bien sûr, et mon deuxième héros était Knut Rasmussen. Et il l'était, il l'est resté. Il est resté pour une raison bien précise, c'est que de tous les explorateurs polaires que j'ai connus par les livres ou que j'ai rencontrés par la suite, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de ce que j'aurais voulu être. D'abord, Knut Rasmussen était à moitié esquimau par sa mère, il parlait par conséquent l'esquimau couramment, une chose que j'ai apprise par la suite, mais très difficilement, la langue esquimau. Ensuite, parce que c'était un ethnologue et que ma formation de base est l'ethnologie. Enfin, parce que il a fait sur une très grande échelle ce que j'ai essayé de faire, à savoir étudier les Esquimaux. Et enfin, parce que c'était probablement celui qui avait le plus le sens de l'homme, le sens de l'humain, l'amour de l'individu que pouvait être l'Esquimau, qui n'est pas simplement un indigène comme les autres, mais qui a des qualités qui sont tout à fait exceptionnelles. Des qualités tout à fait exceptionnelles, c'est ce que dit Paul-Émile Victor sur Knut Rasmussen, donc le premier Européen à avoir traversé ces grands espaces gelés du Nord-Ouest avec son traîneau. C'était une interview de 1966. Justement, Claire Oumar, vous êtes spécialiste, disons-le, de l'Ouest, du territoire qui nous intéresse. Nous sommes à l'Ouest du Canada. Tout cet espace-là, pardon, de l'Est du Canada et du Groenland, tout cet espace-là est un espace en fait, qui est découverte tardivement. Knut Rasmussen, c'est quelqu'un qui œuvre au début du XXe siècle. Il y a une réflexion à avoir sur ces populations qui s'inscrit dans une découverte récente. Oui et non, parce que le Grand Nord, d'un point de vue général, il apparaît déjà dans les mythes médiévaux et de l'époque moderne. Et ce terme de Thulé qu'a repris Knut Rasmussen pour sa cinquième expédition de Thulé, donc ce voyage mythique qui fait qu'il a traversé l'ensemble de l'Arctique en 3-4 ans, pour récupérer un maximum de données scientifiques, qu'il s'agisse de géographie, d'anthropologie, d'archéologie, et j'en passe. sont des comment dire, sont des j'en perds le fil. Non, mais c'est, je voulais savoir, moi, à partir de quel moment l'étude devient sérieuse sur ces territoires-là. Effectivement, avec Tulé, nous sommes dans des mots qui évoquent les mythes, et même les mythes médiévaux, mais on pourrait même réfléchir sur des mythes plus anciens qui nous conduisent à la Grèce antique, mais sur l'étude elle-même de ces territoires, de manière sérieuse, avec Knut Rasmussen, oui, on est vraiment fait. Dans oui le premier tiers du XXe siècle. Oui, tout à fait. Cette expédition donc, qui a lieu entre les années 21 et 24 est la première expédition scientifique. Il y en avait déjà eu une précédente, mais qui s'était concentrée sur le Groenland, la deuxième expédition de Tulé menée aussi par Knut Rasmussen. Et donc, c'est lors de ces premières sept expéditions-là, la cinquième, lance vraiment un mouvement de nouvelles recherches et explorations à des fins scientifiques dans l'ensemble de l'Arctique. Et c'est vrai que ça pose les jalons de toute l'archéologie de l'Arctique qui sur lesquels on se base encore actuellement. Alors c'est vrai qu'il y a certaines de ces données qui ont été remises en question, notamment celle de l'arrivée des peuples tuléens donc qui vont suivre ces paléo-inuits autour du XIIIe siècle. Lors de cette cinquième expédition de Tulé, Mathiassen, Terkel Mathiassen, un Danois qui a fouillé scientifiquement le premier site de l'Arctique, considérer que ce peuplement est daté plutôt de l'an 1000. Et maintenant, on a tendance à l'avoir rajeuni de 3 siècles grâce aux avancées des datations, notamment des datations absolues par le radiocarbone. Claire Alix, pour l'Alaska, que vous connaissez si bien, la question se pose aussi au moment de parler d'archéologie, du site. Quel site fouillé, au sens où vous nous l'avez dit, nous avons des populations nomades. Comment se passe en fait la recherche des traces de ces anciens habitants de l'Arctique? Donc, les sites sont connus à la fois par... En fait, j'ai pas bien compris votre question. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile pour des populations nomades de trouver des sites précis, au sens où quand nous avons une ville, on sait où fouiller. Quand nous avons parlé des Olmecs dans le cours de l'histoire, il y a des sites et puis on fouille la capitale. Alors que pour des populations nomades, on se dit qu'il faut une certaine intuition de l'archéologue. C'est pas vraiment de l'intuition. C'est surtout qu'il y a des lieux, en fait, qui sont des lieux qui ont été occupés de manière répétée, en fait, au cours des siècles et voire des millénaires. On repère aussi les lieux par rapport aux animaux, aux ressources, en fait, qui vont être disponibles. Dans le détroit de Bering, on repère ce que certains vont appeler quasiment des points chauds, des hotspots, en fait, en anglais. Où on a cette répétition de l'occupation qui fait que, en tout cas dans les périodes les plus récentes, on n'a pas forcément... Enfin, je pense qu'il faut se détacher de l'idée de populations qui sont des nomades qui vont d'un lieu à l'autre. Hein. Ils ont des territoires... Enfin, l'utilisation du territoire est assez bien normée, en fait, avec... Des cycles de subsistance qui sont répétitifs et des certains sites où on voit une certaine sédentarité même de l'occupation avec des structures d'habitat qui sont relativement pérennes en fait et assez lourdes. Alors après du coup les sites on les repère aussi grâce justement au savoir local qui est très important. Puisque les différentes populations qui vivent encore aujourd'hui sur ces lieux et dans ces régions, en fait, connaissent très bien leur territoire et ont souvent aidé les archéologues et ont souvent désigné les sites aux archéologues. Des sites à étudier et justement, Claire Alix, alors que trouve-t-on sur ces sites? Vous nous avez parlé notamment de structures d'habitat. Nous sommes sur des territoires où la question se pose tout de suite, comment construire? La question du bois, par exemple, la question de la pierre. Quels sont les habitats utilisés? Alors donc, pour les ancêtres des Inuits actuels, donc ce qu'on va appeler néo-esquimaux, alors... À partir du XIIIe siècle, mais en fait aussi dans le premier millénaire après Jésus-Christ, où là on a différents groupes en fait qu'on va retrouver des deux côtés du détroit de Bering, où on a en fait des sites avec une très bonne préservation des matières organiques, et souvent on va avoir tout de conservé puisqu'on a le pergélisol qui permet donc de une très très bonne conservation. Donc on va retrouver des structures d'habitat en bois. Alors on est en zone arctique, donc on est au-delà de la ligne des arbres. Et donc on peut s'interroger en effet sur la présence ou l'absence de ce matériau. Et en fait, le bois en fait arrive par la mer et est déposé sur les plages. Et donc c'est des bois de récupération, hein, mais on ne parle pas de petits bois flottés, on parle de troncs entiers, hein, qui arrivent parfois avec les racines même, et un petit peu d'écorce encore parfois, et qui vont être récupérés pour la construction de maisons qui parfois sont assez conséquentes, hein, avec plusieurs pièces. Et qui vont, donc vous avez une maison qui est semi-enterrée en fait, avec une structure en bois et recouverte de tourbe. De tourbe et ensuite de neige qui va créer une isolation. Alors à partir du XIIIe siècle, justement, on va retrouver et même un peu avant dans certaines zones, en particulier sur l'île Saint-Laurent, on va retrouver une forme d'habitat qui est assez qui va devenir en fait très très normée en fait, avec un long couloir d'entrée qui est généralement plus bas que la pièce d'habitation ou là où les pièces d'habitation, et qui va du coup utiliser le fait que l'air froid descend, reste coincé en fait en bas, et que l'air chaud monte, et donc du coup on va attraper l'air froid dans ce tunnel, et pour avoir une pièce de vie qui a une température tout à fait vivable et agréable. Parce que le froid, évidemment, mais la question majeure dès qu'il est question de ces espaces au nord, ces espaces de l'Arctique, avec toujours l'interrogation sur la manière de vivre là-bas, dans le froid. Les Esquimaux sont un peuple très ancien et qui ont connu bien les vicissitudes, d'abord les vicissitudes du climat, qu'ils ont su surmonter, je dirais, de façon tout à fait extraordinaire, puisqu'ils ont traversé ces grandes difficultés. Et je pense qu'ils rencontrent un des moments difficiles, mais non pas le plus difficile de leur histoire. Ils rencontrent ce moment difficile avec l'expérience que leur donnait cette longue durée. En outre, ils ont, je dirais, une autre attitude devant la vie que leurs administrateurs. L'Esquimau n'a pas pour souci de négocier, de produire, il a pour souci de vivre et de jouir de la vie. Donc, ceci est sympathique, non ? Naturellement, leur finalité est tout à fait différente de nous. En fait, nous sommes avec les Esquimaux devant le même problème que celui que l'on a connu avec les Arabes. Ce sont les Bédouins du Nord, ils ont sous leurs pieds peut-être un des plus grands bassins pétroliers du monde après celui du Moyen-Orient. Et il n'est pas du tout interdit de penser que les Esquimaux, si les moyens leur en sont donnés, pourraient être les banquiers de leur propre développement. Jean Mallory, ethno-historien, géographe évidemment, grand connaisseur de ces espaces, qui s'exprimait en 1974 à propos des Esquimaux et qui dresse un parallèle. Alors, il est très étonnant, on ne s'y attendrait pas, entre les nomades des déserts, les Arabes, et puis les Esquimaux. Claire Oumar, alors bien sûr, le chaud d'un côté, le froid de l'autre. Une réflexion intéressante, en fait, pour saisir le mode de vie de ces peuples du Nord. Et il faut s'adapter, en fait. C'est une question majeure à prendre en compte au moment de l'étude de ces populations. Comment résister au froid ? Oui, en même temps, on a une vue très biaisée de la situation, parce que nous, on les maîtrise très mal, ces conditions froides. Et c'est sûr que tous les explorateurs qui sont allés dans l'Arctique ont appris des Inuits pour justement lutter contre ce froid. Mais eux considèrent pas qu'ils survivent dans l'Arctique, ils vivent, comme le disait Jean Mallory, et ils arrivent à tout à fait profiter de tout ce qui les entoure. Donc c'est sûr que c'est des populations qui sont très adaptables, parce que elles sont obligées de faire en fonction de climats qui sont quand même changeants et contraints. Et que selon la qualité de la glace, la qualité de la neige, eh ben, à la fois les espèces animales et eux, leur mode de transport, de communication, vont en être modifiés selon la qualité de ces différents paramètres. Donc oui, ils doivent être adaptables, mais en même temps, on remarque qu'il y a une grande stabilité à la fois dans leurs pratiques techniques et dans leurs pratiques sociales qui font qu'ils jonglent toujours entre adaptation et résilience pour s'en sortir dans ces contextes-là. Et bien sûr, il y a des cas de famine qui sont racontés pratiquement dans toutes les communautés par la tradition orale, mais il y a aussi une grande adaptabilité qui leur ont permis de rester là pendant 4500 ans. Quoi qu'il arrive, pas partout, il y a eu des zones refuges dans les périodes de péjoration climatique, mais ils sont restés là et il y a eu une occupation continue de l'Arctique depuis les premiers peuplements. Très important à souligner ça, Claire Houmard, une occupation continue, alors avec des cultures différentes, avec un déplacement de population qui passe par le détroit de Bering, qui arrive en Alaska. Et puis, dans ces cultures qui nous intéressent aujourd'hui dans le cours de l'histoire, il y a ces conditions de vie. Vous nous l'avez clairement dit, pour quelqu'un qui habite là-bas, l'espace n'est pas si hostile que nous pouvons le ressentir. Par contre, vous avez parlé de famine. L'occasion d'écouter la lecture d'un roman. Ce n'est pas la première fois que j'entends des récits de grandes famines. Je sais qu'autrefois certains ont préféré mourir plutôt que de manger leurs proches. Mais on ne peut pas juger les autres. J'ai déjà mangé un de mes chiens, et s'il avait fallu, j'aurais même mangé Ikasuk, qui m'a pourtant sauvé la vie. La seule chose que je ne pourrais pas, me semble-t-il, c'est sacrifier ma fille. Je préférerais la noyer plutôt que de l'offrir à manger à qui que ce soit. Ces récits faits au milieu de l'hiver, alors que nous nous remplissons trop l'estomac, donnent de curieux rêves. Les anciens sont plus proches de ces temps-là que nous autres, et quand je ferme les yeux, que le sommeil me prend, je les vois tous alignés, les yeux creux et la langue dehors. Saonic a une peau translucide, comme celle de nos grands bateaux. Je vois au travers d'elle des choses qui se sont passées il y a longtemps. Olivier Martineau qui nous lisait un extrait de Pierre et d'Os, un ouvrage de Bérengère Cournu, publié aux éditions Le Tripode. Et bien justement, dans cet ouvrage qui raconte la vie d'une jeune femme inuite, il est question à ce moment-là de famine. Claire Houmard, il y a beaucoup de fantasmes autour de cela, de clichés à démonter ou à conforter d'ailleurs peut-être. Qu'en est-il d'ailleurs de ces famines-là? Il y a la peur du cannibalisme. Oui, après nous, d'un point de vue archéologique, surtout dans l'Arctique de l'Est et donc au Canada et au Groenland, on peut à peine toucher ces questions-là, parce qu'en fait, on retrouve très rarement des restes humains, des squelettes et des sépultures, etc. Donc, on a du mal à savoir de quoi les différentes personnes ont pu mourir. Donc, c'est plus en se rapportant sur les récits récents, et notamment ce qu'ont rapporté les explorateurs, qu'on entend parler de ces questions de famine et de conditions très difficiles. Probablement qu'il y en a eu dans le passé, on peut pas du tout le nier, mais en même temps, on peut pas non plus évaluer à quel point ces conditions ont pu être fatales ou non pour les différents habitants de l'Arctique, à l'exception de certaines zones, par exemple comme le nord-est du Groenland, qui semble avoir été occupé seulement dans les périodes favorables et dont les fins sont souvent dramatiques, avec souvent deux scénarios, une partie de la population qui cherche à rester sur place et qui va dépérir, et une partie qui préfère migrer pour s'en sortir et qui, elle, en général, va réussir à survivre ailleurs. Donc, par ce biais-là, d'occupation ou non de certaines zones, on peut accéder à de possibles conditions plus difficiles. Mais pour traiter du cannibalisme, là, on est pour l'instant complètement sans données pour tout ce qui est Arctique de l'Est. Ce qui est certain, c'est que les conditions de vie ne sont pas faciles. Claire Alix, justement, dans cette étude des populations qui occupent l'Arctique, il y a l'idée que, eh bien, la ressource première est une ressource animale et que se construit dès lors les techniques liées à la chasse, liées à la pêche. C'est ce qui permet de créer très vite un lien entre les différentes cultures possibles et surtout une chronologie. Oui, mais je voulais aussi revenir sur le fait que les Inuits et leurs ancêtres, hein, et les populations ancestrales aux Inuits connaissaient très bien leur territoire et maîtrisaient très bien leur environnement, en fait. Donc, cette idée, en fait, de l'Arctique, comme l'a dit Claire tout à l'heure, qui serait un endroit où on survit, où la vie est difficile, il faut vraiment, je pense, penser différemment, puisque l'hiver, finalement, c'est la période qui est préférée, hein, des Inuits. C'est celui où on va se réunir, on va faire la fête, en tout cas historiquement, et on peut voir ça aussi archéologiquement, avec un été où là on va préparer l'hiver, donc où on va s'activer, en fait. C'est une période très, très... très active, en fait, où on va essayer donc d'accumuler le plus possible en prévision donc de l'hiver. Mais du coup, les déplacements sont plus faciles en hiver puisque tout va être gelé. Donc il y a une possibilité aussi de préservation possible grâce au froid. Donc je pense qu'il faut vraiment penser le froid comme, pas comme nécessairement quelque chose de négatif. Donc ça, je voulais revenir là-dessus. Et puis donc, en effet, après, on a par l'archéologie, on peut voir à quel moment certaines techniques apparaissent, comme l'importance, alors le kayak, hein, qui va être essentiel pour tout ce qui est chasse en mer libre, en eau libre. Et puis, donc, qui est connu, enfin, dont on a les restes les plus anciens, d'ailleurs, sur la côte ouest du Groenland, aux alentours de 4200 ans, donc très ancien. Et puis, l'Umiak, hein, qui est cette grande embarcation qui est aussi donc, avec une ossature en bois recouverte de peaux de morse ou de grand phoque, hein, qui. Pourrait être aussi ancien que, en tout cas, les restes matériels et iconographiques, d'ailleurs, sont aussi anciens donc vers 1000 avant Jésus-Christ. Donc, c'est des techniques qui sont relativement anciennes et qui ont permis donc d'exploiter aussi bien les ressources marines et puis avec des techniques qui sont plus orientées vers les ressources terrestres et en particulier la chasse aux caribous. Chasse aux caribous. Chasse aux phoques, des techniques qui s'adaptent selon les différentes cultures, parce que le mot culture signifie quelque chose, et c'est très bien de souligner que dans ces espaces glacés, il n'est pas question de survie, il est question simplement de vivre et de trouver des ressources, et aussi parfois de s'amuser avec des jeux vocaux. Voilà, des jeux vocaux inuits dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi, qui toutes les deux d'ailleurs peuvent faire des jeux vocaux du même type. Milena m'a expliqué que ces jeux vocaux sont des pratiques compétitives où en fait, la plupart du temps, deux femmes face à face s'affrontent avec ces jeux jusqu'à ce que l'une des deux cède. Claire Alix, justement, dans cette culture Inuit, et puis dans la recherche de ce qui s'est passé auparavant et de la préhistoire des Inuits, l'ethnographie, l'ethnologie est essentielle au sens où il faut essayer de retrouver les origines des langues, des mots. Et là se construit tout un univers particulier. Oui, donc on utilise évidemment beaucoup les données, alors des de ceux qui ont été les premiers à écrire sur les Inuits, sachant que, en fait, dès que l'Arctique a commencé à être exploré par les Européens, il y a tout de suite on s'est interrogé sur l'origine de ces populations. Donc on a certains récits en Alaska, dès l'arrivée des Russes, donc au XVIIIe siècle. Donc on a quand même des données sur cette période juste au moment du contact et post-contact. Et puis on a évidemment aussi la tradition orale des populations qui sont encore là aujourd'hui et qui ont été enregistrées aussi par les premiers ethnologues qui ont parcouru donc ces espaces. Donc on a ces informations, sachant que il faut faire attention justement de pas surutiliser ces informations ethnographiques dans l'explication du passé archéologique, puisque les choses ont changé, et donc parfois il y a peut-être le danger de trop s'appuyer justement sur des données ethnographiques, alors que il faut d'abord regarder les données archéologiques et essayer de les expliquer aussi par ce qu'elles peuvent nous dire de différent justement des données ethnographiques. Claire Oumar, justement, les données archéologiques sont nombreuses, il faut le dire, parce que le froid préserve, donc nous ne sommes pas simplement dans des matériaux lithiques, il n'y a pas que de la pierre, il n'y a pas que du bois, il n'y a pas que des ossements, il y a tout un univers à recréer, effectivement, à partir de l'archéologie même. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui, dans un sens, nous sert aussi en archéologie dans l'Arctique, c'est que la sédimentation, elle est très faible. Donc, il y a un très grand nombre de sites qu'on peut voir à partir de vues aériennes ou tout simplement en étant sur le terrain et en se promenant, en faisant de la prospection terrestre. Donc, on n'a pas besoin de retirer un mètre de sédiments pour voir les structures apparaître. Donc, c'est aussi ça qui marque le paysage et qui fait qu'on peut facilement trouver ces structures d'habitat. Bon, évidemment, surtout celles hivernales, où ils y passent 9 à 10 mois de l'année, et qui sont, justement, par ces conditions de froide, souvent bien préservées. Pas toujours partout, et maintenant, malheureusement, les côtes sont quand même sujettes à une érosion forte qui abîme les sites. Quand on compare les photographies de sites fouillés dans les années 20-40, par rapport à celles obtenues dans les années 2000-2020 pour les gens qui retournent sur les mêmes sites, on a des érosions très très fortes. Mais c'est sûr qu'on a une vision de ces structures qui est d'autant plus précise que pour les périodes plus récentes, pas pour les périodes les toutes plus anciennes, mais du bois, de la pierre, des matières osseuses, qui montrent une diversité des sphères d'activité qu'ils ont effectuées dans ces maisons, où en plus ils ont eu tendance à rester longtemps. Donc on a une belle image de la façon dont ils vivaient et dont ils exploitaient les alentours immédiats de leur environnement. Donc en Alaska, on a aussi une exploitation des zones extérieures qui est plus marquée qu'au Canada et au Groenland. Mais de manière générale, on arrive à bien suivre la façon dont ils occupaient l'espace. Bien suivre la façon dont ces peuples occupaient l'espace et suivre la façon aussi dont ils ont pu migrer, se déplacer. Justement, Claire Alix, nous pouvons évoquer un peuplement qui se succède, en fait, différents peuplements depuis l'Alaska et qui se déplace de plus en plus vers l'Est avec différentes cultures. Alors, elles ont leur nom, Il y a cette culture de Dorset, cette culture de Tulé qui nous conduit, en fait, jusqu'aux Inuits. Justement, quand nous regardons les vestiges archéologiques, est-ce qu'il est évident de voir cette continuité, ces déplacements, ou est-ce qu'il s'agit encore aujourd'hui d'un univers de friche, en fait, pour la recherche, où tout n'est qu'hypothèse? Non, tout n'est pas qu'hypothèse, même si, évidemment, les recherches amènent quotidiennement, je dirais, des nouvelles données pour augmenter la connaissance. Alors, je préciserai que la culture Dorset, c'est vraiment une culture archéologique, donc donc un ensemble de cultures matérielles et de structures archéologiques qui on va retrouver principalement dans l'Arctique canadien et au Groenland, mais qui n'est pas présent en Alaska et qui n'est pas présent non plus dans l'Arctique occidental canadien, hein, le Mackenzie et donc toute la côte alaskaine. Et donc c'est vraiment un développement sur... Enfin, vous allez avoir en fait un premier peuplement de l'Arctique à partir donc de 4500 ans. Enfin, il y a 4500 ans, qui va aller jusqu'au Groenland. Ça, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure le paléo-inuit. Et ces populations vont ensuite, en fait, se développer sur place, se transformer sur place au Groenland et dans l'Est, dans l'Arctique oriental canadien, vers ce qu'on va appeler le Dorset, hein, qui montre une certaine continuité avec le paléo-esquimau ancien ou le paléo-inuit ancien, hein, le pré-Dorset. Et donc on a un ensemble d'objets qui sont assez caractéristiques, et ça Claire Oumar connaît très bien puisqu'elle a réalisé sa thèse sur l'industrie osseuse de ces groupes pré-Dorset et Dorset. Du côté alaskien, on va avoir en fait un ensemble de manifestations culturelles en fait qui vont être plus ou moins contemporaines à partir donc on va aussi avoir ce paléo-inuit, hein, qui lui est assez identique à ce qu'on va trouver jusqu'au Groenland, mais ensuite on va avoir des développements qui sont un petit peu différents, qui sont dus aussi à la proximité justement de la Tchoukotka et de l'Asie, et avec une très grande mobilité finalement des populations entre les deux côtés, les deux côtés du détroit. Et des développements qui montrent l'influence de l'Asie, en particulier à partir de ce qu'on appelle le Choris, où on va avoir de la céramique, il y a à peu près 2500 ans. Donc, et une céramique qui va d'ailleurs être présente jusqu'à la période du contact. Hein. On va ensuite avoir à peu près dans les premiers siècles du tournant du premier millénaire après Jésus-Christ, un ensemble de groupes, alors qu'on va appeler Old Bering Sea, Birnir, Punuk, et qui vont éventuellement donner ce qu'on appelle le Thuléen, hein, et qui, lui, qui est une culture qui va donc émerger en quelque sorte de ces différents groupes qui sont des chasseurs de baleines, qui sont des chasseurs de morses, des chasseurs de phoques, très orienté vers les ressources marines, mais pas uniquement, mais qui, à partir du XIIIe siècle, en fait, aussi, dans le détroit de Bering, vont s'homogénéiser, d'une certaine manière, pour devenir ce qu'on appelle archéologiquement le Thulé, et partir migrer et coloniser l'ensemble de l'Arctique canadien jusqu'au Groenland, et remplacer, entre guillemets, les Dorset, avec toute la question, hein, du contact... ou pas, justement, entre Dorset et Thuléen, sachant que on a très peu de sites où on a des traces, en fait, d'une rencontre entre ces deux groupes, qui pourtant, on le sait maintenant, grâce aux datations radiocarbone, ont été présents en même temps sur le territoire. Oui, les représentants de la culture de Dorset et ceux de la culture de Thulé ont vécu au même moment sur le même territoire. Alors, se sont-ils fréquentés? A priori, ce n'est pas sûr. Et Claire Oumar, justement, dans cette réflexion que nous avons sur la préhistoire des Inuits, nous touchons après à d'autres questions. Ces questions-là sont celles du contact avec les Européens, et puis de ce qu'il reste aujourd'hui dans la mémoire de ces populations, de leur longue histoire. Je propose d'écouter ce que disait la grande émission de télévision 5 colonnes à la une, c'était en 1963, sur justement la question d'assimilation. Ce paysage fantastique, c'est le grand nord de l'Alaska. À marée basse, sur 1000 km², c'est une plage de boue. Le soleil y est pâle. Ensuite, la toundra, plate à l'infini. 100 000 lacs, des milliers de rivières à peine identifiées. Cette traversée du désert nous a conduit à Barrow, où nous trouvons des chiens esquimaux tels que les décrivaient les romans de notre enfance. Barrow se vante d'être le plus grand village esquimau du monde avec 1600 habitants, dont une énorme proportion d'enfants. Ils sont beaux, pleins de santé, bien sûr, pensions-nous, ils vivent près de la nature, la civilisation contemporaine les a à peine touchés. Quant aux adultes, s'ils chassent toujours le caribou pour se nourrir, il ne faut pas s'y tromper non plus, ils sont parfaitement assimilés, parfaitement américanisés. Ce sont des citoyens américains à part entière. Ils votent, ils élisent leurs représentants et leurs sénateurs, seulement ils gardent de fâcheux souvenirs des débuts de la colonisation blanche. Cinq colonels à une en 1963. Claire Oumar, justement, aujourd'hui, cette préhistoire, cette histoire longue pour les peuples inuits est quelque chose d'important. C'est, par exemple, vos travaux intéressent ? Oui, tout à fait. Et je dirais même qu'il y a une certaine recrudescence de l'intérêt porté à ces racines inuites dans la majorité des communautés inuites et Yupik aussi en Alaska pour le sud-ouest. Et du coup, même si parfois il y a des réticences vis-à-vis de l'homme blanc, si on peut dire, et parfois vis-à-vis de l'archéologue par des mauvaises expériences passées, les Inuits sont de manière générale très friands de mieux comprendre les traces de leur passé. Et ce qui est essentiel, toujours, de faire de la recherche de l'histoire pour que les identités se construisent. Et juste, Claire Oumar, pour terminer, le changement climatique avec des conséquences importantes, vous l'avez évoqué, sur les sites archéologiques même, et puis sur tout ce que cela sous-entend de la disparition d'une culture. Oui, tout à fait. Et notamment dans certaines zones du sud de l'Alaska, mais aussi au Canada et au Groenland, certains villages sont menacés de se retrouver sous les eaux à très court terme, d'ici une à deux générations. Donc, se pose la question de savoir où se déplacer, tout en restant dans le respect de leurs propres traditions et de préférence dans leur territoire menacé. Territoire menacé, territoire à étudier. Ce territoire menacé, hein, Claire Alix, justement, vous nous faites la même analyse pour l'Alaska, en plus avec toutes les exploitations qu'il peut y avoir des ressources. Oui, il y a l'exploitation du pétrole, il y a l'exploitation de toutes les ressources minières. Hein, on va retrouver ça à travers l'Arctique. Qui posent problème et en même temps qui sont des sources de développement économique. Donc c'est toujours un petit peu ben, comme partout, hein, la difficulté entre surexploitation et destruction de l'environnement et nécessité donc d'un développement. Enfin, nécessité en tout cas, quelque chose qui peut être vu comme la nécessité d'un développement. Voilà, développement économique, et c'est vrai que tout cela fait entrer plein de réflexions sur ce que sont ces peuples aujourd'hui et d'où ils peuvent venir, d'où ils viennent. En tout cas, merci beaucoup à vous deux de nous avoir éclairés. Merci Claire Alix depuis Fairbanks en Alaska, et merci aussi à vous Claire Oumar depuis Besançon dans le Doubs. Dans le cours de l'histoire, nous retrouvons maintenant Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, le retour de la guerre civile en Irlande du Nord qui plane sur la Grande-Bretagne post-Brexit. Alors que le deuil du mari de la reine du Royaume-Uni nourrit la presse anglaise, le retour des violences urbaines en Irlande du Nord lui impose une concurrence féroce. Après plus d'une semaine de violences entre unionistes et nationalistes, les responsables des deux communautés ont appelé à l'apaisement, plus précisément Michelle O'Neill, la vice-première ministre et vice-présidente du Sinn Féin, le parti nationaliste catholique et républicain, a appelé la jeunesse à ne plus prendre part aux affrontements. Si le retour d'une frontière en mer entre les deux Irlandes liée au Brexit inquiétait déjà, ce sont les funérailles de Bobby Story, un ancien membre de l'IRA, qui ont servi de levier au retour de la violence. L'enterrement, organisé à Belfast en juin 2020, en violation incontestable des mesures de restriction sanitaire, avait été suivi par un peu moins de 2000 participants que la police a décidé début avril de ne pas poursuivre en justice.